fidélité aux commerçants par la carte. En fait, c'était finalement, on restait dans un crédit commercial, sauf qu'il était encarté, quoi. Donc ça, c'est aussi, enfin, je pense, c'est aussi une des explications du changement de look, enfin de. Ouais, de fait, ça devient de l'argent fongible, comme tu dis, et bon, du coup, ça ressort aussi dans le lot, quoi. Oui, et les banques, ça sont des appareils de la même chose. Ouais. Parce que les banques suivent. Ah oui, enfin, complètement, ouais. Même la caisse d'épargne. Mais la caisse d'épargne, par exemple, j'en avais une fille qui créait la caisse d'épargne qui me disait qu'avant, quand quelqu'un venait ouvrir un compte, on lui ouvrait un livre d'épargne. Maintenant, on lui ouvre un revolving automatique. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bah ouais, bien sûr. Moi, j'ai vu ça. Moi, le produit financier. Et après, ils t'envoient un truc tous les mois en disant vous avez votre revolving, vous n'avez pas pris dessus. Vous avez votre réserve. Et donc, ouais, votre réserve. C'est pas comme la FNAC. Et là, c'est ta banque. C'est automatique. Tu peux pas. Si, tu peux vraiment te battre en disant non, j'en veux pas. Mais en fait, bon, tu te dis bon, je ne l'utilise pas. Puis en même temps, tous les mois, tu as tes 1000 euros qui sont là et qui te donnent très envie. Mais c'est automatique. Ça te donne de la fierté aussi. Parce que tu résistes. Ouais, c'est ça. Il y a plein de différentes manières que le crédit te donne. Mais la question au sujet de cette évolution, parce que je crois que qu'est-ce qui a fait que le monde a eu besoin de plus qu'il ne produit. Et ça, c'est une chose... qui a à voir avec je sais pas plein de choses, mais aussi donc, c'est le marketing qui crée la demande et c'est les normes qui aux États-Unis je crois aussi que c'était bon, maintenant tout le monde a besoin, le vrai américain, bon, c'est Benjamin Franklin, c'est celui qui a une maison, qui a acheté une maison. Donc, et puis, bon, la maison devient le mortgage, donc tout le monde opère un peu comme une banque, en fait, parce qu'on a son mortgage, et on peut se faire du crédit là-dessus, et puis ça crée la currency de la valeur de la personne. Et par rapport, moi, qui étudie le monde musulman, je me demande toujours, et dans une période ancienne, on me demande mais pourquoi les gens pourquoi ils n'ont pas participé dans cette culture d'accumulation, bon, l'accumulation qui s'est développée au XVIe siècle avec les joint stock companies, on a des choses qui sont en valeur en perpétuité à travers les générations, c'est des choses qui sont passées, les propriétés qui sont passées par l'héritage qui donc cette longévité qui s'explique dans le monde occidental, qui ne s'explique pas dans le monde musulman, puisque, et c'est pour ça, de voir comment se passe, qu'est-ce qui se passe dans l'autre monde, ça nous permet de réaliser pourquoi est-ce que ça évolue dans ce sens. C'est un peu comme Douglas North explique qu'il faut voir ce qui génère l'efficacité des institutions et voir ce qui empêche cette efficacité en même temps, mais simplement pour dire que bon, moi je me suis toujours parce que dans le système musulman il n'y a pas cette perpétuité. Timur Koran en parle, l'idée que c'est aussi une question des institutions légales, qu'il y a le système waqf, les fondations qui opèrent pour des mosquées, pour des choses qui peuvent être des propriétés perpétuelles à travers les générations, mais c'est que pour des choses très limitées. Et c'est une question religieuse, bien sûr, on s'intéresse aux musulmans, mais parce que les valeurs d'une bonne vie sont les valeurs de quelqu'un qui, aussitôt qu'il génère un capital de surplus, qu'est-ce qu'il va faire avec ce capital? Il va les redistribuer dans la société. Pour satisfaire les obligations de charité d'identité religieuse, bon, c'est le zakat, c'est la redistribution, et que l'accumulation visuelle est néfaste et ne produit pas le crédit en tant que réputation. Le crédit, la currency du crédit, c'est justement la capacité de générer du capital pour le redistribuer, parce que la valeur humaine, c'est la relation humaine, c'est l'investissement dans la personne. C'est le wealth in people, et pas le wealth in things. Donc, là, je crois qu'il faut voir justement l'évolution de cette demande. De quand est-ce que... parce qu'en France, évidemment, c'était pas... enfin, qu'est-ce qui fait que c'est mal vu? Parce que je crois qu'aussi, il y a cette question de... Il y a les nobles ici, qui ont les rênes du pouvoir, qui distribuent les postes, etc. Donc, il y avait un népotisme qui se développait, qui faisait que la masse... enfin, voilà, je pars en... Non, mais le rapport à l'accumulation et à l'héritage, c'est important. Enfin, je pense que dans les représentations du fait que c'est mal le crédit, il y a aussi, puisque tu laisseras rien à tes enfants, ou des dettes, etc. Enfin... C'est sûrement mais connecté. Pourquoi? Parce que pour le crédit immobilier, c'est pas. Ouais, c'est pas. Ouais, voilà. Parce que justement, tu pourras laisser quelque chose à tes enfants. Ouais, il y a vraiment une norme morale hyper catholique si tu y vas par là. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes et les mauvaises dépenses, etc. Enfin, catholique, moi. Je sais pas, mais en tout cas, justement, c'est tellement. J'arrive mais pas à penser que c'est ça. Ce rapport à la famille, quand même. Enfin, qui est pas forcément plus catholique que rien, mais je sais pas, à l'héritage, etc. Il y a, en fait, il y a les catholiques et il y a aussi toute une autre tradition sur, qui vient des Lumières et qui est des bourgeois contre les nobles, en fait. Le crédit, c'est les dépenses superflues, les nobles et le bourgeois, il fait ses comptes et petit à petit, il accumule pour transmettre, mais aussi pour construire. Alors qu'aux États-Unis, les gens s'en foutent de la génération qui suit. Ils vont les laisser endettés, mais la chose, c'est que les enfants ne sont pas responsables de la dette des parents. Donc ça, c'est peut-être une chose à voir. Je ne sais pas comment ça se passe. Dans l'héritage, si tu veux. Mais je crois que tu as raison. L'autre, Claire. je crois que maintenant, on peut refuser un héritage qui ne consiste qu'en des dettes, mais je ne sais pas si c'est pas récent. Je sais pas. Je pense qu'pendant longtemps, on a hérité des dettes des parents. On dépensait, on remboursait les dettes des parents. Donc c'est assez. Ça dépendait peut-être des endroits du coup. Tu devais faire l'inventaire et puis tu pouvais refuser. Je pense qu'il y en avait quand même pas mal au 19e qui étaient transmissibles, mais je sais pas dans quelle limite, etc. Il faudrait voir avec ceux qui bossent sur les inventaires d'ouvriers. C'est qu'il faudrait voir. Non, mais le rapport à l'accumulation et à la transmission, c'est enfin, ce que tu disais en fait sur le rapport entre crédit et épargne aussi, mais c'est assez. En tout cas pour la période récente, parce que ce que disent aussi les économistes, c'est que c'est la compensation de la limitation des salaires. Et que du coup, c'est aussi des crédits. C'est là que c'est très hypocrite, parce que les gens, sont obligés pour vivre sur un certain standard de prendre des crédits. Et ensuite, quand ils n'arrivent plus, on leur dit vraiment, vous avez été un peu si grand. Bon, de quoi faire un gros post-doc ou plusieurs années de travail pour essayer de mieux comprendre tout ça. Mais ça vaudrait la peine d'avoir plus de discussions entre spécialistes de différentes régions, cultures, pour comprendre ça, Oui, parce que tu parlais de l'Espagne et en Italie, alors qui est quoi, communiste et catholique. Qu'est-ce que ça fait? Parce que l'aspect communiste aussi, un parti communiste en France qui était à combien 20-25%? 27. Ah ouais. Ça donne quoi? le discours l'empilement est à fond anti-crédit. Le discours du PC, c'est ce qui me semble. Dans toute la CGT, tu vois les affiches des CGT des années 30, c'est surtout pas le crédit et tout ça. Oui, non, mais c'est ce que je pense, oui, puisque le crédit, c'est la période où il faut payer des crédits. Oui, puis le crédit comme dépendance, c'est beaucoup là. Ça, c'est un discours hyper violent. Mais je pense qu'il y a aussi sur l'Italie, enfin, sur les autres pays aussi, ce qu'il y avait comme système bancaire et la force du système bancaire. Oui. Et si la bancarisation s'est faite avec des banques étrangères qui ont amené des personnes fédérales, ou si elle s'est faite avec les banques locales dans une culture primaire, en tout cas un système qui était relativement protégé. Mais la Belgique, je ne sais pas pourquoi, ils ont ouvert leur banque. Ouais, c'est très récent. Hein. Les Belges, ils deviennent totalement fous. Ils se séparer en deux pays. Là, il y a un truc, on ne comprend même plus ce pays. C'est, ouais, c'est vrai, c'est n'importe quoi. C'est... Enfin, moi, je vais. J'enlèverai ça dans l'enregistrement. Mais ça, c'est un de mes projets. Quand j'en ai du temps pour travailler, de faire un peu des trucs européens avec. Ouais. Comprendre comment ça se passe en Suède, par exemple, ils viennent ouvrir le crédit, c'était pas vraiment ces années 2000. Et donc, vraiment pour faire des comparatifs. C'est hyper important parce que ça permettrait d'éclairer. On pense toujours France et États-Unis, mais une comparaison européenne permettrait peut-être de donner. De comprendre qu'est-ce qui est différent, voilà, exactement. Puis tu vas avoir des financements européens. Ouais. Non, mais en plus, il y a peut-être il y a peut-être des gens qui travaillent sur ça quand même dans pas mal d'autres pays. Mais... Il y a une autre chose aussi, c'est que je lisais récemment que les femmes en France. J'ai regardé la télé parce que j'ai le jet lag. J'avais un programme sur la femme, l'évolution des droits de la femme en France. C'est qu'elle n'avait pas le droit d'aller à la banque dans les années 50. Pour retirer un crédit sans l'autorisation de son mari. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a pas ça. Bon. Ouais. Mais bon, ça c'est comme c'est la femme qui est la dépenseuse. Donc. Mais ça, c'est vraiment toutes ces histoires de normes d'économie sociale et familiale aussi, de manuels, de tout ça, de cours à l'école primaire. Il y a des gens qui commencent à travailler sur ça en France aussi, je pense. Ce serait intéressant de voir s'il y a pas tant que ça. Bah ouais, c'est ça. Je pense que ça serait à creuser, quoi. D'économie sociale en France. Je sais pas depuis quand. Enfin, et depuis la perte de sens du certificat d'études aussi et tout ça, quoi. Mais collège unique, tu veux dire Ouais, c'était peut-être dans les cours complémentaires qu'il y avait ça. Si, ouais. Mais